dice MDLR Kamikaze. Marsella hasta hospitalete. De Marsella cochetita, dos locas, mi cap baja. Y pocos en la acción, en mi zona se relajan, se bajan. Es algo que tienen ya fijo. Pa' cuidar a la mamá y a sus hijos. Pensando en el negocio y no en la música, me caso. Porque de las redes yo le hago poco caso. Un colega me dice que si yo le hago caso. Me llevan a juicio, yo me busco tres casos. No sé lo que paso, no sé lo que paso. Dije cuando me pillaron robando un piso. No sé lo que pasa, no sé lo que pasa. Cuando me llevaron por el tiempo a un juicio. He visto a muchos que por el tiempo se la pegan. Aquí más de uno no presume y se la juega. Tú eres de una serie, loco como se haga. Hablan mucho por las redes, luego y se cagan. Nadie que la hace, la dice, la hace y a tiempo la paga. Y el que la hace, lo dice. El que habla aquí nunca se pega. Y pocos tienen aquí la vida asegurada. Pero si asegurado tienen el abogado. Tunda carretera, fuga sin paralda. Un saludo a mi colega con Dion Granada. Para allá, para allá, para allá. Me decía más de uno cuando eran persona. Dale ya, dale ya, dale ya. Porque si hablas de frente luego no perdona. Un colega siempre se raya. Y no como tú que has sido por cocaína. Sino porque el otro día la playa perdió todas las cajas que eran del vecino. Vecino se cae, ah. Vecino presume. Investigación que cae. Que luego ninguno la asume. De lunes a lunes. De domingo a martes. De lunes a lunes. El trabajo en la calle se parte, ah. Pussy on the block. Con nuages de fumé. De la fin tu te juya. Et de dernier plus de game pour t'assumer. Ça s'en met dans le nez. Normal ça va la muerte. Ça s'en met dans le nez. C'est la même, j'ai barré au l'hôpitalité. Allez, RS3. Et toute l'année ça mange des pasta. A deux sur Vespa, ça disque dans les Testa. L'équipe Arasta, chargée dans le Tiesta. Les piquets nous tiennent du terrain, commandent la siniesta. Joue pas les gangstas, la rue c'est pas Snapchat. Ça s'assume même pas, et ça veut gérer 4 chats. Y'a des grosses armes de guerre, un jour ou l'autre ça vire au drame. Demande à Zach, ça parle en mètre et plus en kilogramme. Pas t'en perdre, réveille-le si le frère il dort. Direction l'Espagne, Malaga, Benidorm. Ça prend la muerte, sous le corridor. C'est la merde, en Indé, on a pas le budget de Polydor. Pendant que tu dors, ça prend la route, ça pilote Ganté. Marseille, Alicante, de quoi alimenter, le renté. Fais pas trop le fou, on va te carrer ta car. Interjouer des bras sur le terrain, comme Galeta car. Je parle, je fais du bruit, tu sers à rien, c'est comme des maracas. Ça vend la pire photo, la mule revient de Caracas. T'as rien de mieux à dire, alors photo escucha. À t'écouter, t'es pire que la mala, ça va tout tcha. Même dans mes rêves, photo, je suis bloqué dans la tête. Fais pas le gros, t'es qu'un bouffon qui suce la vite à son altesse. Ça se met des bastos, ça se fait plus de clés de bras. J'arrive comme dans un, ils doivent pas leur lever les bras. Chauffeur cagoulé, pisté par la BST. Faire tout solo, c'est dur comme santé sans VST. Pour 10 euros, photo, tu peux te faire molester. La rue, c'est pas un jeu, va le dire à ceux qui voulaient tester. Ça rappe sans Amine, écoutez jusqu'à Nouméa. Je traîne avec des rebeux, des crâles de Wild de Rumia. Y'a trop de pubs dans le RAP, ouais, demande à Kawet. On finira pas, ouais, si c'est pour manger des cacahuètes. Vecino se caea. Vecino presume. Investigación que cae. Que luego ninguno la asume. De lunes a lunes. De domingo a martes. De lunes a lunes. El trabajo en la calle se parte. Ah, posé dans le bloc. Con nuages de fumée. Dehors c'est tout est rouillard. Et dedans y'a plus.